Plage 9. Le nettoyage universel. Comme vous le savez très certainement, notre planète ne se porte pas bien, pour différentes raisons, que ce soit au niveau de l'environnement, de nos sociétés, de l'économie et de la paix. Nous avons beau essayer par différents moyens, rien de tangible se produit. Mais grâce à la méditation qui va suivre, je vous propose de mettre Ho'oponopono au service de tous nos congénères, mais aussi et surtout à celui de notre planète. Car n'oublions pas que, selon la philosophie de Ho'oponopono, nous sommes responsables de tout ce qui se produit, y compris ce qui se déroule à l'échelle planétaire, comme les guerres, les épidémies, les famines et les déséquilibres économiques, même si telle n'est pas notre intention à l'état conscient. Car tout ceci n'est qu'affaire de mémoire et de programmation. Or, là où il y a des mémoires, alors Ho'oponopono peut apporter sa contribution efficace afin d'y remédier. Ce qui va suivre ne vous prendra que quelques minutes à la fin de votre nettoyage quotidien. Mais cela pourra faire une différence. Pour vous, pour nous tous, pour les générations à venir et pour nos sociétés et la Terre. Aussi, ne vous en privez pas et incitez le maximum de personnes à en faire autant. Car plus nous serons à pratiquer ce simple exercice et meilleurs seront les résultats. Nous allons maintenant nettoyer la Terre et l'ensemble de sa population. Alors, gardez les yeux fermés, ainsi que la paix qui s'est installée en vous depuis que vous avez commencé à faire vos nettoyages. Respirez profondément, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Continuez et rassemblez les énergies de repentir, de pardon, de gratitude et d'amour dans votre corps et dans votre esprit. Sentez-les devenir de plus en plus présentes. À présent, je vais vous demander de visualiser la Terre vue de l'espace, comme si vous étiez un astronaute flottant en orbite. Observez notre planète. Regardez ses continents, ses océans et les nuages dispersés dans son atmosphère. Ne vous contentez pas de voir uniquement l'aspect physique de la Terre. Voyez également toute l'énergie qui se dégage d'elle, comme un halo lumineux qui l'entoure. Ce sont ses corps énergétiques, créés par toute la vie qu'elle abrite, ainsi que par ses propres vibrations. Voyez-la rayonner intensément. Sentez-la vivre sous vos yeux. Visualisez son halo prendre de l'ampleur et sa lumière devenir de plus en plus pure et claire. Avancez vos bras dans sa direction, mais ne voyez pas là aussi uniquement vos bras physiques, mais aussi leur corps énergétique. Écartez-les et enlacez la Terre, comme si vous désiriez la serrer contre vous. Sentez vos corps énergétiques fusionner avec les siens jusqu'à ne faire plus qu'un avec notre planète. Transmettez-lui tout votre amour. Vous ressentez la Terre, vous êtes en elle et elle est en vous, alors que vous la serrez dans vos bras. Il n'y a plus aucune barrière, plus aucune limite qui vous sépare d'elle. Vous êtes en symbiose totale avec elle et votre communion est entière. À présent, relâchez votre étreinte et prenez un peu de recul par rapport à elle. Mais En y regardant de plus près, vous vous apercevez que la Terre est entourée par des personnes qui forment une immense chaîne d'union en se tenant par la main. Elles ceinturent notre planète au niveau de l'équateur. En ce qui les concerne également, ne vous contentez pas de voir leur corps physique, mais aussi leur aura, leurs énergies qui se dégagent d'elles et qui irradient de manière puissante. Il s'agit des 7,5 milliards d'habitants de notre planète qui ont décidé d'envoyer tout leur amour à la Terre et de la débarrasser de ses mémoires handicapantes en pratiquant Ho'oponopono. Et ils n'attendent qu'une seule chose, que vous vous joigniez à eux pour débuter leur nettoyage. Aussi, approchez-vous et entrez dans cette farandole. Saisissez vos voisins de droite et de gauche par la main sans plus tarder. Vous êtes à présent un maillon de cette gigantesque chaîne d'amour qui entoure la Terre. Ressentez tout cet amour et cette volonté de déprogrammer notre planète et tous ceux qui y vivent. Ces vibrations entrent en vous et vos parcours avant que vous ne les transmettiez aux autres à votre tour. Il est temps que vous, ainsi que les 7,5 milliards d'humains que nous sommes, commencions ce nettoyage. Pour ce faire, rassemblez au niveau de votre plexus solaire toute cette énergie d'amour et votre volonté farouche de débarrasser la Terre de ses mémoires erronées, comme vous l'avez fait jusqu'ici pour votre propre vie. À présent, vous, moi, et tous les êtres qui peuplons notre planète, nous allons faire notre déclaration avec force, en passant un ordre à l'univers, et nous allons dire ensemble: avec l'aide de l'Esprit divin qui est en nous, avec l'aide de l'Esprit divin qui est en nous, nous nettoyons maintenant toutes les mémoires handicapantes que nous entretenons avec la Terre. Toutes les mémoires handicapantes que nous entretenons avec la Terre, des plus anciennes aux plus récentes. Et maintenant, nettoyons la Terre, tous ensemble. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, Merci, je t'aime. Désolé, pardon. Merci, je t'aime. Désolé, pardon. Merci. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé. Au nom de toute l'humanité, je ne peux que vous féliciter, mais surtout vous remercier pour ce que vous venez de faire. Car le nettoyage que vous avez accompli avec nous aidera notre planète, mais aussi notre environnement, nos sociétés et la paix. N'en doutez pas un seul instant, car aucun nettoyage fait par Ho'oponopono n'est vain. Il a obligatoirement un effet. Ce qui compte, c'est qu'un nombre grandissant d'entre nous le fasse le plus fréquemment possible, pour que ce qui doit être corrigé et rectifié le soit, afin que notre planète et tous ceux qui y demeurent vivent dans l'harmonie du divin qui est en tout. À présent, vous allez pouvoir revenir progressivement ici et maintenant, calmement, tranquillement. Prenez tout le temps nécessaire afin de réintégrer notre dimension. Dès que ce sera fait, vous vous apercevrez rapidement qu'un certain nombre d'éléments ont bougé dans votre environnement, que les choses ne sont plus tout à fait comme avant, qu'il y a une différence, que vous vous sentez plus léger, mais surtout qu'une nouvelle ère a déjà débuté. C'est cela, la magie de Ho'oponopono, qui vous permettra de créer des miracles quotidiens et de manifester enfin la vie à laquelle vous aspirez depuis si longtemps.